Rappelez-moi comment on dit « je partirai » au futur. Partirò. Partirò, c'est ça. Et comment dit-on « ils partiront » ? Partiranno. Partiranno, oui. Et « il partira » se dit ? Partira. Partira. Et le tutoiement « tu partiras » ? Partirai. Partirai. Comment dit-on « vous partirez » ? Voi? Partirete. Partirete. Et sur le même principe, quand partirez-vous ? Se dit ? Quando partirete ? Quando partirete ? Oui. Comment direz-vous « nous partirons bientôt » ? Partiremo presto. Partiremo presto. Mais nous ne partirions pas aujourd'hui. Ma non partiremo oggi. Répétez le verbe, s'il vous plaît. Partiremmo. Ma non partiremmo oggi. D'accord. Comment dit-on « il partira » ? Partira. Partira, oui. Et quel est le conditionnel « il partirait » ? Partirebbe. C'est ça, partirebbe. Dites-moi maintenant, ils partiront. Partiranno. Partiranno. Redites-moi, ils partiraient. Partirebbe. Partirebbe, c'est bien. Pour le il ou elle du pluriel, on rattache ro à la terminaison du singulier. Comment dirait-on par exemple, ils partiraient au pluriel? Je vous rappelle qu'on forme le pluriel à partir du singulier. Il partirait, A-I-T. Comment dites-vous ça déjà, il partirait, au singulier? Partirebbe. Partirebbe, oui. Et donc, il partirait, A-I-E-N-T, au pluriel? Partirebbero. Partirebbero, très bien. Comment diriez-vous, il m'a dit qu'il ne partira pas? Mi ha detto che non partirà. Oui, bien. Mi ha detto che non partirà. Et je sais qu'il ne partirait pas. So che. Il ne partirait pas. Non partirebbe. So che non partirebbe. Voilà. Maintenant, vous allez dire je suis sûr qu'il ne partirait pas aujourd'hui. Avec « il » au pluriel. D'abord, comment dit-on « je suis sûr » si c'est un homme qui parle ? Sono sicuro. Sono sicuro. Sono sicuro qu'il ne partirait pas aujourd'hui. « Il » au pluriel. Che non partirebbero oggi. Bien. Sono sicuro che non partirebbero oggi. Bon. Pour dire « tu partirais » au conditionnel, on dirait « partiresti ». La terminaison du conditionnel qui correspond à « tout » est donc « resti ». R-E-S-T-I. Et pour « voi », on part de « resti », mais on remplace le « i » par un « e » pour avoir « resti ». « Partiresti ». C'est tout simple. « Resti » et « resti ». Resti pour tu, reste pour vous. Alors, comment diriez-vous tu serais ici? Saresti? Ici. Saresti qui. Saresti qui, oui. Et vous seriez ici avec voi, donnera? Saresti qui? Oui, mais on n'insiste pas sur la fin du verbe. Saresti qui. Voilà, sareste qui. Avec voi, c'est sareste qui. Nous venons de voir la totalité des formes du futur et du conditionnel. Pour toutes ces formes, le son clé, je le répète une fois encore, c'est le R de l'infinitif. Et on insiste toujours sur le son qui suit immédiatement ce R.